débit de kilo. 2,150 kg. 8,60 s'il vous plaît. Donc elles sont toutes nettoyées, prêtes à cuire. Vous avez juste à bien les rincer. Et on fait sa popote. Si c'est pour demain ou pour lundi, on les met au frigo. On peut laisser les fermer? Oui, sans problème. 8,60. 9,10. C'est bon, vous m'avez donné. Merci. Bon chômage. Oui, une bonne journée, madame. Merci. Au revoir. 5 euros de poule. Allez. Et petite portion pour les gens. Voilà, 5 euros de moule. Et impeccable. Je vous remercie, monsieur. Et s'il vous plaît, une très bonne journée, un bon week-end. Merci. Bonjour, mesdames. Vous allez bien? Très bien. On est en forme. Vous êtes filmée aujourd'hui? Comme moi. Sourire, alors. 4 kilos. 4 kilos. Allons-y. Je vous mets un petit sac. Oh oui. Hop. Allez. J'ai 4 kilos 50 grammes. Oh, allez. Oh, on va chipoter. On va pas chipoter. On y fait 16,20, s'il vous plaît. Si vous avez 1,20 €. Oh, j'ai. Ah, un petit billet de 5, c'est toujours bon à prendre. Moi. La monnaie, on la cherche tous les matins. 50. Impeccable. Vous remercie. J'ai 20. Hop, et bien, écoutez, plus vite que l'éclair. Allez, merci beaucoup. Oui, un bon week-end à vous. À bientôt. Bonjour. 2,5 kg. Alors en ce moment, elles sont bien charnues. Hop, 2,550 kg. 10,20 kg, monsieur, s'il vous plaît. Et donc, nos moules sont bien élevées sur des cordes en immersion dans la mer. Je vous remercie, monsieur. Le bac ? Oui, merci. Bonne journée. Alors, j'ai une petite question. Un kilo de mousse, ça fait combien de litres, s'il vous plaît ? Faut compter 800 grammes, en fait. Dans les restaurants, on vous met 800 grammes. Moi, je dis toujours, je me base 1 kg par personne. Pourquoi ? Parce que on a tendance à la maison, hop, à se remettre une petite cloche. Donc, voilà. Donc, on est 4. Donc, 4 kilos, voilà. Tu veux prendre 5, vous mettez 5. On prend 5, on assure, comme ça au moins vous en avez plus que pas. Je fais des nouveaux packs. 5, pardon, 5. 5 kilos. 5 kilos? Ouais. Vous assurez 5? Un peu plus chacun? J'ai 5 kilos, un peu plus. 20 euros 20, s'il vous plaît. Donc elles sont toutes nettoyées, prêtes à cuire, même ici dans mes petits sacs. Vous avez juste à les mettre au frigo si c'est pour demain ou si c'est pour ce soir. Ça dépend de soi. Si voilà. C'est pour demain, s'il n'y a pas de vie. Mais on peut toujours anticiper la veille pour le lendemain et les mettre au frigo. On les rince tout simplement. Voilà. C'est passé? Oui, c'est passé. Je vous donne le ticket? Oui, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, une bonne journée, je vous remercie. Bonjour monsieur. 4 kilos? Ouais. Là j'ai 4 kilos 50 grammes, donc 16,20 kg, s'il vous plaît, monsieur. Est-ce que vous avez? Impeccable, merci. Je vous remercie, monsieur. Bonne journée à vous. Bonjour, madame. Bonjour, madame. J'ai 2 kilos. 2 kilos. Une carte bleue. La carte bleue, si vous voulez. Pas de si vous plaît, madame. Là, j'ai 2,1 kg. Ouais. 8,40 kg, madame, s'il vous plaît. Une bonne journée, monsieur. Au revoir. Au revoir. Merci. Mais oui, c'est vrai, vous venez de Corse. Oh. Mais oui, mais on s'était vu il y a quoi? Il y a peut-être 15 jours, 3 semaines maintenant? C'est pas ça? Non, la dernière fois, c'était déjà? Oh là là, j'ai l'impression que c'était hier ou avant-hier. Vous voyez? Parce que je parlais de vous justement. Non, mais je parlais. Mais non, non, non, mais si, mais j'ai dit à mon patron, j'ai une personne qui serait de Corse, machin, là, là. Et vous voyez, j'ai pensé à, enfin, j'ai pensé à vous l'autre jour. Les autres pêcheurs, ou pas ? Non, non, non, c'est grande marée cette semaine, et donc quand il y a grande marée, en fait, les bateaux ne peuvent pas mettre les filets en mer de peur qu'elles tout cassent et tout s'en mêlent parce qu'il y a trop de courant. Donc là, par contre, pour le poisson, ce sera mercredi. Il y a un arrivage mercredi. D'accord. Après, les crevettes, en ce moment, bon, ça vient tout juste de recommencer. Donc, quand il y en a, il faut jeter dessus. Il faut être là à 9h. Oui. Baptiste, merci beaucoup. Voilà, je vous en prie. Je vous souhaite une très bonne journée. Bonjour. Merci. Bonjour, madame. 4 Hop. J'ai 3 kg 800. Ça irait pour vous? 15,40 s'il vous plaît. C'est bon pour moi. Vous avez le ticket, madame? Non, ça va. Ça va. Merci, toi aussi. Au revoir. Bonjour, monsieur. Oui. Hop. J'ai 2,8 kg. 2,8 kg? Ouais. Ça irait pour vous? 11,40, monsieur, s'il vous plaît. Merci. S'il vous plaît, monsieur. Merci, une bonne journée. Bonjour, madame. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Oui. 2 kg. 2 kg. Vous vous souvenez? Oui, ben, écoutez, c'est agréable quand même. Ça fait venir les gens, vous voyez. Bonjour, Pauline. Bonjour, bonjour, ça va? Pauline, est-ce que je peux vous poser une question? Oui, je vous écoute. J'ai 2 kg pile. J'ai 2 kg pile. Super. 8 euros, s'il vous plaît. C'est quoi la meilleure période pour manger les moules des Incas? Il n'y a pas de meilleure. Il y a la légende des mois en R. C'est alors, vrai non. ou pas? En fait, les mois en R, c'est quand c'est un peu comme les huîtres, les moules sont bien garnies. Donc, les mois en R, elles sont très belles. Sauf qu'ici, à Dunkerque, nos moules, elles ont une capacité de grossissement incroyable. Et donc, en fait, il n'y a plus de saison vraiment. Enfin, plus de saison. C'est-à-dire que nous, on peut produire à l'année. Le produit est vraiment magnifique à l'année, de janvier à décembre. Ouais. Et donc, les mois en R, petit bémol, elles sont plus petites en coquille, parce que c'est une période où on dit moule primeur. Et là, elles sont vraiment très belles en chair. Et même très bonnes en hiver. Hein, vous voyez, là, j'ai des habitués. Ils viennent toutes les semaines. C'est des clients réguliers. Et on confirme qu'elles sont excellentes. Ils viennent à l'année. Ouais. Tout le temps, il n'y a pas de période particulière. De toute façon, Dunkerque, c'est formidable. Hein. Oh ben, oui, écoutez, la mer nous donne de si belles choses, ouais. Regardez. Ben, merci. Bon produit. Merci. Belle journée. Et les Dunkerquois, aussi sont formidables. Tout à fait. On a une bonne clientèle. Je suis bonjour, monsieur Dame. 9 kilos. Merci, Pauline. Je vous en prie, je vous souhaite un bon week-end. Merci. J'ai 9 kilos. Ah ouais, 36,40 s'il vous plaît au total. Ça va faire venir un petit peu de monde. Beaucoup trop de monde peut-être. J'ai pu m'en sortir après. Déjà que c'est chaud patate. Hein. Madame. Parfait, je vous remercie. Madame, bonjour, combien il vous faut ? Un kilo ? C'est impeccable. Merci madame. Alors, 4 euros madame, s'il vous plaît. Merci. 4. Je vous donne 5, 1 et vous rends 5. Et s'il vous plaît madame, merci et une très bonne journée. Bonjour. 2 kilos 5. 2 kilos 5. J'ai 2 kg 550, madame. C'est bien. 10,20 euros, s'il vous plaît. Comment ? Ben si, je vous le disais. Non. Ah ben la dame, elle est partie avec 2,5. Oh. Attendez, ben non, mais ça me fait pas ça. Non. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop, hop, hop. Madame, madame. Bah ouais. Tu vas pas leur rouler. Ah bah Excusez-moi. Il l'a acheté à l'eau, non ? Non, non. Il y a un kilo, ils sont là. Ah, ils ne les avaient pas pris. C'est vous qui les avez pas donnés. Ça arrive de bugger un peu. Oh, excusez-moi. Une bonne journée, madame. Et donc, vous, c'était 2 kilos 5. Ah. Avez-vous rien ? Je suis quand même troublée. Ah, ouais, non, mais...